à mon père. J'aimerais visiter le monde, me promener en tout pays, faire autour de lui une ronde pour en voir les multiples vies. J'aimerais voir la terre blonde, là où le sol est tout gris. S'il me faut côtoyer l'immonde, j'espère des endroits fleuris. J'aimerais ma vie vagabonde pour la prendre sans cesse. Ici, là, que l'expérience abonde, c'est pour le moment mon envie. Si l'avenir veut bien répondre à ce que j'espère de lui, qu'elle sera belle et féconde, ce que sera alors ma vie. À mon fils, que ton rêve est joli et ma peine bien grande, car ma génération a tout fait pour détruire ce monde que tu rêves de découvrir. On massacre les espaces verts pour les peindre en gris. On détruit le bleu des océans pour en faire des marées noires. On détruit les rivières pour en faire des égouts. On massacre les phoques pour de la neige rouge. On détruit mon village, on ravage ma région au nom d'une anonyme société nommée Solvay. On castre les taureaux pour en faire des bœufs d'attelage. On châtre l'homme pour en faire un travailleur. Que ton rêve est joli, et avec toi je veux y croire. Ensemble, peut-être demain, avec beaucoup de nous-mêmes, s'il n'est pas trop tard, et si on essayait ?